Belle journée sur la première, on écoute tous ensemble Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Non, mais je crois que la Chine a désormais les moyens d'acheter le monde. C'est aussi simple que ça. Cette semaine, la Chine. Et de la même façon, vous avez l'invention d'un slogan par l'équipe dirigeante précédente, celle actuelle de Xi Jinping. Donc vous avez l'équipe de Hu Jintao, avant 2012, qui a inventé ce slogan de société socialiste d'harmonie. De Confucius au nouveau maître. C'est un certain Zhu Xi qu'on a souvent comparé à une sorte de Thomas d'Aquin chinois, enfin, qui a décidé que un certain nombre de textes courts, dont les entretiens de Confucius, entreraient dans le corpus des écritures canoniques confucéennes. Culture. 1400 morts, 10 000 blessés. Ce matin, la place Tiananmen, longtemps scène d'un drame pour la démocratie sous les yeux du monde entier, s'est réveillée, nettoyée par l'armée. Et politique. Je suis né de parents chinois dans la France d'après-guerre, alors occupé à se reconstruire et à sortir du colonialisme, et j'ai grandi dans le monde de la guerre froide. Je travaille sur la recherche sur l'histoire intellectuelle chinoise. Je ne me suis jamais senti très à l'aise non plus dans la partition opérée par nos départements de sinologie entre Chine ancienne et Chine moderne. La Chine a changé, continue de changer sous nos yeux à une vitesse étourdissante. L'ignorance concernant la Chine et sa culture se maintient à un niveau préoccupant. Les poncifs les plus éculés sur une Chine éternelle, lisse, consensuelle. Depuis le début de nos années 2000, c'est une autre fièvre qui s'est emparée du monde intellectuel, celle de la renaissance de la tradition et des études nationales. Je me ferai l'apologiste, sinon de la lenteur, du moins du temps qu'il faut à la compréhension, à la réflexion et à la maturation par opposition à l'urgence et à l'instantanéité de l'information. Je pars du principe que pour comprendre un texte en chinois classique, il faut d'abord le lire à voix haute. Il faut entendre, faire entendre la voix d'un texte et d'un auteur, la sonorité, la percussion des mots, les effets de parallélisme, de rythme, de rime, perceptibles même sans une pratique très longue de la langue. Il ne faut pas oublier qu'en chinois, surtout dans la langue classique, un son est le plus souvent un mot. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Bonjour et merci Jean Leclerc de m'avoir proposé cet entretien. Je reconnais une sorte de succès d'année de ma leçon inaugurale au Collège de France que j'ai délivrée il y a 10 ans maintenant. Donc ça fait 10 ans que je survis dans cette auguste institution qui, à mon sens, encore maintenant, n'était pas faite pour moi. Et moi pas pour elle non plus. Je pense toujours que les professeurs du Collège de France ont commis une erreur en me forçant à accepter cette position. J'essaie de faire ce que je peux pour animer la discipline que je représente. Je viens d'une histoire assez compliquée. Comme vous venez de le rappeler, je suis né en France, mais d'ancêtres chinois, de parents chinois, qui se sont connus à Paris dans les années d'après-guerre. Ça a évidemment déterminé mon destin, en quelque sorte. J'emploie ce mot non pas de façon pompeuse, mais disons que j'ai eu un parcours un petit peu compliqué de ce fait, étant donné que le chinois est la première langue que j'ai jamais parlé, puisque c'est celle que je parlais à ma naissance et étant petite, jusqu'au moment où mes parents se sont séparés et ma mère a décidé de rentrer en Chine. Et c'était en l'année 1966, donc elle est... Quelle période ? Elle a atteint Pékin en ayant pris le transsibérien donc de Paris. Elle a atteint Pékin exactement en août 66, c'est-à-dire juste au moment où la révolution culturelle commençait. Et après, donc, je suis restée au bas mot une dizaine d'années sans aucune nouvelle d'elle. J'étais complètement coupée de toute communication avec elle. Et ensuite, je l'ai retrouvée à deux reprises à Pékin, où elle est ensuite morte dans un accident de la circulation. Elle a été fauchée par un camion, donc par la circulation assez sauvage à Pékin. Voilà, donc ça commence comme ça, c'est-à-dire que une enfance déchirée entre deux mondes, vraiment, enfin, la France où j'ai grandi, où j'ai reçu une éducation intégralement à la française, c'est-à-dire littéralement de maternelle à normale sup, donc avec toute la formation que ça implique, une formation généraliste, humaniste, très européenne. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux philosophies et aux littératures d'Europe. J'ai même fait un mémoire de maîtrise sur John Locke, enfin, philosophe anglais, avant de me rendre à l'évidence qu'il fallait que je prenne le taureau par les cornes, autrement dit que je fasse face au Minotaure, en quelque sorte, que j'avais essayé d'éviter jusque-là. Et c'est à ce moment que je me suis tournée entièrement vers la culture chinoise. Je me suis embarquée dans une thèse doctorale que j'ai eu la chance de préparer sous des plus grands et les meilleurs maîtres qu'on puisse rêver. En France, Léon van der Mersch, qui a fait sa carrière essentiellement à l'École pratique des hautes études, et Jacques Gernet, décédé depuis peu, qui, comme on le sait, a occupé une chaire au Collège de France pendant de nombreuses années. Ensuite, en Angleterre, où j'ai été sous la supervision du professeur Michael Lowy, qui est un des meilleurs spécialistes de l'époque Han, donc en Chine. Et j'ai fait aussi une partie de la préparation de mon doctorat en Chine, à l'université Fudan de Shanghai, qui reste pour moi une sorte d'alma mater aussi, sous la supervision d'un très grand historien qui s'appelle le professeur Zhu Weizheng, qui lui aussi a disparu il y a quelques années. Donc voilà, vraiment j'ai eu beaucoup de chance justement de travailler avec les plus grands. Je pense pas en être digne, mais voilà ce que j'apporte dans cette institution où nous sommes aujourd'hui. Ah, au fait, vous ne nous avez pas donné votre nom. J'ai un nom, disons français, qui est Anne. Je porte le nom de mon père, Chang, pour mes publications, mais j'ai également un nom chinois qui est Chang Ailan, et j'ai été mariée pendant 30 ans à un monsieur chinois shanghaïen qui s'appelait Wang Yun, donc j'ai un nom d'épouse, Wang, mais c'est maintenant devenu un nom de veuve étant donné que mon mari est mort il y a quelques années d'un cancer en France. Donc voilà, pour moi la Chine c'est aussi beaucoup la terre des morts. C'est là que j'ai perdu ma mère, c'est là que j'ai perdu aussi une grande partie de la famille de mon mari avant que lui-même disparaisse. J'ai perdu aussi ce maître dont je viens de parler. Donc c'est j'ai un rapport très compliqué avec la Chine aussi. Pour ceux qui comme je l'ai fait, iront voir du côté du site du Collège de France pour suivre votre enseignement. On vous entend dire, on vous voit à partir d'une certaine année, parce qu'à partir d'une certaine année, les cours sont disponibles en vidéo, précisément alerter l'audience qui est devant vous de votre situation personnelle, l'aggravation de la maladie de votre mari, le moment de sa disparition. Vous êtes là-dessus à la fois extrêmement pudique et impudique à la fois. En le disant autrement, vous prévenez les gens. Et vous les prévenez en incluant en même temps ce que l'événement, ce que la tragédie peut impacter dans votre propre réflexion. Il en sera de même également lors de drames collectifs, puisque vous prenez la main dans au Collège de France. En général, votre cycle d'enseignement court du mois de décembre au mois d'avril, vous faites l'hiver, le printemps. Oui, oui. Et effectivement, lors de l'année 2015, il s'est passé ce qui s'est passé à Paris. Ceci, vous l'incluez dans vos premières phrases d'ouverture au cours, au public. C'est comme si le monde autour, forcément, résonnait. Il ne s'agissait pas en aucun cas d'un enseignement coupé de tout, mais d'un enseignement à l'écoute. Puisque vous nous avez dit, Hanschenk, que vous n'étiez pas faite du tout, que la chaussure n'était pas à votre pied, et que vous n'étiez pas faite pour le Collège de France. Malgré tout, on s'y retrouve. Malgré tout, vous y enseignez, et depuis un certain temps. Alors du coup, comment ça s'est fait? Et comment avez-vous choisi de bâtir votre architecture? Vous employez des mots qui sont beaucoup trop grands pour moi. Le Collège de France, je m'y suis retrouvée vraiment à mon corps défendant, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que quand on est venu me chercher, je me souviens que le professeur Pierre-Étienne Ville, qui est parti à la retraite il y a quelques années, qui occupait donc une chaire concernant l'histoire de la Chine moderne. Donc c'est lui qui est venu me faire cette proposition. Il m'a convoqué un jour dans son bureau. Moi, sans vous prévenir. Sans me prévenir. Enfin, je me méfiais pas. Je pensais que on avait un travail à faire ensemble. Donc je pensais que c'était à ce propos-là. Et il m'a prise complètement au dépourvu. Et quand il m'a posé la question, une chaire au Collège de France, ça vous dirait? On m'aurait annoncé que j'héritais du trône d'Angleterre. Ça m'aurait moins surprise. Là, j'ai failli tomber de ma chaise. Et quand j'ai repris mes esprits, j'ai commencé par dire non, non, non. Enfin, j'ai continué à dire non pendant un certain temps. Parce que Pierre-Étienne Ville était vraiment déterminé à me tordre le bras, et donc il a fini par obtenir gain de cause, mais j'ai quand même essayé par tous les moyens, passez-moi l'expression, passez-moi la comparaison, d'éloigner de moi ce calice, parce que c'était vraiment ça. C'était mais pourquoi? Trop grand, trop énorme, oui, trop, oui, prestigieux, trop tout, enfin trop tout. Je me sentais très bien là où j'étais. J'étais professeur au Langso, donc l'INALCO, après avoir passé aussi un certain nombre d'années au CNRS. Donc j'avais quitté le CNRS, c'est une décision qu'on ne prend jamais, enfin à moins d'être complètement décalé comme je l'étais, mais j'avais décidé que je rendrais probablement plus de services comme enseignante que comme chercheur. Donc j'ai quitté le CNRS pour enseigner à plein temps donc au Langso, et c'est là qu'on est venu me chercher. Et moi j'étais très bien là avec les étudiants, etc., avec ce contact permanent avec les jeunes générations. Et je me retrouve donc forcée. Vous finissez par dire oui. Je finis par dire oui parce que d'une part, enfin, j'étais prise en tenaille d'un côté par le Collège de France qui m'avait dit que ça vous plaise ou non, vous êtes en mission commandée, on a besoin de quelqu'un pour défendre les études classiques chinoises au collège. Et d'autre part, j'avais mes filles aussi qui à l'époque étaient adolescentes. J'ai deux filles et je leur ai demandé leur avis. Elles m'ont dit vas-y maman, comme ça t'occupera. C'était une façon de me dire oui, c'était une façon de me dire comme ça on t'aura un peu moins sur le dos, ce sera tant mieux, enfin oui, adolescente, on peut l'imaginer. Exactement. Donc là j'étais vraiment, enfin j'ai fini par céder. Mais je vous avouerai que j'ai dû passer par une thérapie pour me m'armer psychologiquement pour faire face à cette situation, parce que j'étais incapable de l'affronter vraiment. Histoire vivante, cette semaine, la Chine. Aujourd'hui, entretien avec Anne Cheng, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine. À partir du moment où finalement la décision a été prise, un peu malgré vous, Anne Cheng, et que vous voyez que le Collège de France arrive en perspective, est-ce que vous pensez assez rapidement en plan est-ce que vous vous tournez vers les collègues ici en disant... parce qu'il y a quand même une particularité au Collège de France, c'est qu'on ne réitère pas la même chose d'année en année. Ça doit changer. On enseigne la recherche en cours. C'est donc une signature extrêmement particulière à laquelle il vous a fallu vous adapter, mais sans doute aussi qui a pu, on le sent en tout cas quand on suit vos cours, particulièrement vous nourrir. On aimerait bien vous entendre là-dessus. Oui, quand on rejoint le Collège de France, on vous dit en général, enfin en tout cas moi c'est ce qu'on m'a dit, il faut vous débrouiller pour être à la fois intéressant pour les spécialistes et accessible pour le grand public, ce qui est vraiment le grand écart. Oui, oui, enfin une quadrature du cercle. Et en général, je crois que les collègues penchent plutôt d'un côté ou plutôt d'un autre. Moi, je pense que je penche plutôt du côté d'une volonté de communiquer quelque chose. Donc, j'ai pas fait le choix, enfin, de m'enfermer dans une spécialité très pointue, ce que probablement la plupart de mes collègues dans le domaine me reprochent, enfin, parce que je ne fais pas quelque chose de très pointu. Mais d'un autre côté, la Chine est un sujet. Alors là, c'est pas ma faute. Est un sujet tellement massivement présent partout, non seulement dans les médias, mais aussi dans notre quotidien, dans nos vies à tous, que je suis obligée de réfléchir et de fournir une information la plus honnête possible à mes concitoyens. Alors quand je dis concitoyens, c'est pas simplement les concitoyens en France, pas seulement dans le monde francophone, pas seulement en Europe, mais je pense les mes concitoyens du monde tout simplement, puisque comme vous l'avez rappelé, les cours sont mis en ligne urbi et orbi pratiquement en temps réel jusqu'à une date relativement récente, beaucoup étaient disponibles en anglais et dans mon cas également en chinois. Donc on atteint vraiment enfin un public mondialisé. Donc là, on a vraiment cette responsabilité morale, enfin, de réfléchir sur ce qu'est cette Chine qui nous arrive dessus, enfin, et qui nous écrase dans notre quotidien. Mais pour l'avoir suivi et vous avoir écouté, je n'ai pas écouté le tout, mais j'ai quand même écouté attentivement de nombreuses heures en avançant dans les années. J'ai eu l'impression que obligation faite du collège, finalement, vous avez considérablement nourri. On voit véritablement quelque chose. J'ai utilisé le terme sans doute trop important d'architecture, mais il y a quelque chose d'architecturé dans votre construction. On ne peut pas dire chronologique, parce que ça obéit à autre chose. C'est une histoire intellectuelle. Alors, peut-être pour la présenter en quelques mots à ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'écouter, et puis de vos auditeurs, comment vous pourriez la définir, cette histoire intellectuelle ? Oui, la difficulté justement et la spécificité de l'enseignement au Collège de France, c'est que, surtout quand vous venez de l'université, vous n'obéissez pas à une logique de curriculum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme, rien n'est défini à l'avance. On n'arrête pas de vous dire vous êtes libre. Carte blanche. Oui, vous êtes libre et cette liberté a quelque chose d'effrayant parce que quand vous êtes habitué à être cadré, que vous savez à peu près où vous devez amener les étudiants, etc. Là, on vous dit bon, vous êtes libre de. Bien sûr, il y a une obligation donc d'assurer ces cours, mais autrement, on est libre d'ouvrir ou pas un séminaire. Moi, j'ai choisi effectivement d'ouvrir un séminaire de lecture de texte en plus des cours magistraux, enfin de ce qu'on appelle ici les leçons. parce que ça, c'est vraiment une dimension qui me manque dans l'enseignement du Collège de France, c'est cette continuation en fait d'un contact permanent avec des vrais étudiants, c'est-à-dire des gens qui lisent vraiment les textes et avec qui on peut s'affronter avec les textes. Ça, j'ai vraiment besoin de ça. Enfin, chaque semaine, on se retrouve. Bien sûr, c'est un nombre beaucoup plus restreint que dans le grand amphi Navarre où on parle devant 400 personnes, enfin sans savoir à qui on s'adresse. Là, on a des étudiants et on se bagarre ensemble avec les textes. Ça, c'est un exercice que j'ai voulu maintenir. Donc, tous les collègues ne font pas ça. Enfin, moi, c'est mon choix. D'autre part, j'organise aussi chaque année au moins un ou deux colloques, enfin des journées d'études, pour pouvoir justement réfléchir de concert avec des collègues venus de l'étranger sur des thématiques qui me tiennent à cœur. Donc ici, on a véritablement une forme d'enseignement qui n'a absolument rien à voir avec celle qu'on dispense à l'université. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est partir de quelque chose, ou de quelqu'un plus exactement, qui a été l'objet de mon premier exercice sinologique, à savoir Confucius, puisque j'ai fait mes premières armes en sinologie avec cette traduction des entretiens de Confucius, en me disant naïvement à l'époque que, comme ça, je m'attaquais à un texte fondateur. Alors, je me suis attiré les commentaires mi-figue, mi-raisin, alors de certains de mes maîtres qui m'ont dit, dites donc, c'est assez crâne de s'attaquer à un texte pareil quand on est si jeune. Mais pour moi, ça a été quand même quelque chose de fondateur. Et là, au Collège de France, je me suis dit que c'était important de revenir là-dessus. Parce que au moment où j'ai fait cette traduction, j'ai suivi de manière assez docile une certaine tradition commentariale. Donc j'ai donné une interprétation finalement assez qui suit un petit peu la voie moyenne des interprétations, parce que le texte des entretiens, c'est un texte avec une histoire extrêmement compliquée, etc. Et donc quand on s'adresse à un public élargi, on est obligé de faire des choix et quelquefois de faire des compromis en quelque sorte. Et là, j'ai voulu revenir là-dessus d'entrée de jeu et de voir jusqu'où on pouvait aller dans l'analyse critique, à la fois donc du personnage de Confucius et de ce texte qu'on lui attribue, de ces entretiens dont on dit que c'est lui qui parle. Hein, donc le maître, les formules des entretiens commencent toutes par ces deux mots canoniques, le maître dit. En fait, on peut aller jusqu'à se demander, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il s'agit de Confucius, hein, et qu'est-ce que c'est que cette espèce de ramassis de fragments de conversation, quelquefois en fait des phrases complètement décousues. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce texte? Et donc j'ai jugé nécessaire justement de revenir de manière radicalement critique sur cette figure fondatrice et ce texte fondateur. J'y ai consacré quand même pas mal d'années, hein, parce que ça prend du temps, enfin, de détricoter tout ça. Hein. Mm. On aura l'occasion d'en parler dès demain. Mais il est vrai que si vous faites ce choix-là à un moment précis, vous êtes au collège à partir de 2009. 2009. C'est que depuis peu de temps, en effet, la figure de Confucius est revenue à la charge. Oui. Alors, on va avoir le temps de parler histoire dans l'émission de demain, mais est-ce que, précisément, au-delà du fait qu'il avait fait partie de votre premier objet d'étude, est-ce que le fait que le nom de Confucius résonne à ce point comme il résonnait dans l'espace Chine au sens très large du terme, a joué dans votre choix? Ah, bien sûr, ouais. Oui, bien sûr, parce que précisément, cette analyse critique était appelée par ce qu'il est maintenant convenu d'appeler ce renouveau confucéen en Chine, qui se fait sur un fond idéologique quand même très pesant, hein, je veux dire. Donc là, c'était vraiment le moment ou jamais de revenir de manière critique sur ce thème. Très bien. Écoutez, on aura l'occasion de se retrouver demain pour parler de ça, à la fois de le retour du refoulé, c'est pas exactement comme ça qu'on peut l'appeler, mais quand même, on comprendra ce qu'on veut dire exactement. Confucius a disparu de la surface pour faire à plusieurs reprises, pour faire un grand retour en force. On en parlera demain. On parlera également d'histoire, notamment d'une certaine année 1919 où il s'est passé là des choses fondatrices. À demain, donc. À demain. Demain donc, la suite de cet entretien auprès d'Han Cheng, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine, cette semaine est mise en onde par Thierry Châtel. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, ainsi que l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la collaboration de Thierry Châtel, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.